não. É pra cor do violão. É pra cor do violão. Você só se fugir. Donc la prod elle retombe à pic. Midi posté c'est KR. Tu récupères ta dose à pile. Ma charbonne ta grand-mère. Je vais pas te faire manger imbécile. Le disque d'or ou la rue. Poteau je suis encore indécile. En ce moment y'a trop de décès. Ouais ça passe et te rebloque l'accès. Boulette sur 20 000 l'année. Renis vers mes couilles à le malinois. Boulette sur 20 000 l'année. Renis vers mes couilles à le malinois. Sa mère à la pute, mais devant l'OPJ man c'est jamais moi. À 11h dans le secteur, faut faire des sous et la hache chez moi. Comme Apple j'ai croqué dans la pomme. C'est pas Google, Roloto, y'a pas de Chrome. J'ai des choses partaient loin pour la somme. Mais j'caillais sa grand-mère dans la zone. C'est sur sa mère, y'a tout le monde en zone. Tu me peux une chatte, négro c'est grave. Chez moi poli sous polia, pas dans la carte du pollen. Y'a les bleus, j'suis pas lent. Négocie pas le prix, soit t'achètes, y'a pas de prêt. Ralenti par le temps, motivé par l'argent. À chaque son j'évolue. J'ai même voulu voler, débrouillard pas pour rien sur le terrain, pas dans le volant. J'suis ma police ou polia, pense à la carte du pollen. Y'a le bleu man, j'suis pas l'homme, négocie pas le prix, soit t'achètes, y'a pas de prêt. Ralenti par le temps, motivé par l'argent, à chaque son j'évolue. J'ai même voulu voler, débrouillard pas pour rien sur le terrain, y'a pas dans le volant. À chaque fois, j'ai voulu.